police du Capitole. Police nationale. Milice du Capitole. Police nationale. Les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son salaire, de son travail. Les plans sociaux qui ne disent pas leur nom sont déjà à l'œuvre dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d'État. Les réductions d'effectifs sont encore annoncées. Les agents de la FPH, de la fonction publique hospitalière, attendent toujours l'ouverture d'une négociation au sujet de leur protection sociale complémentaire. Le supplément familial de traitement est mis en cause. Les femmes enceintes se voient appliquer sans distinction la baisse de 10% de leur rémunération au titre du congé maladie ordinaire des arrêts maladie. Le constat est malheureusement partagé par l'ensemble des trois versants de la fonction publique, État, territorial et hospitalière. Travaillez encore, ainsi rouge et main d'or. Travaillez encore. Plus que jamais, la revalorisation des rémunérations, l'amélioration des carrières, l'amélioration des conditions d'emploi et l'égalité entre les femmes et les hommes sont indispensables. D'autres chantiers sont à mener pour améliorer les conditions de travail et garantir les moyens indispensables à l'exercice de nos missions. Travaillez encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travaillez encore, acier rouge et mains d'or. Aujourd'hui, pour nos organisations, la construction d'un tout autre budget porteur d'espoir, de justice sociale et de justice fiscale est impérative. Depuis le mois de juillet, nous sommes mobilisés dans l'ensemble des administrations, collectivités, services, établissements, entreprises, territoires et professions en allant à la rencontre des travailleurs et travailleuses afin qu'ils et elles signent la pétition intersyndicale. Aujourd'hui, nos organisations se mobilisent par milliers sur l'ensemble du territoire, y compris par la grève. On va pas se laisser faire.